Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'affaire Aranda. Le 13 septembre 1972, le Canard Enchaîné publie une série d'articles qui révèlent au grand public plusieurs scandales politico-financiers impliquant divers élus et personnalités publiques de l'UDR, le parti gaulliste au pouvoir à l'époque. Sont étalées au grand jour des preuves de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, d'affairisme, de corruption qui bouleversent la scène politique française. Les journalistes ont eu de toute évidence accès à des documents confidentiels, très confidentiels. Alors, leur source? Eh bien, un tout jeune conseiller technique de l'ancien ministre de l'Équipement et du Logement, jusqu'alors discret et sans histoire, un certain Gabriel Aranda. Mais quelle mouche l'a donc piqué pour aller livrer tel secret à la presse? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose, en revanche, est certaine, celui qu'on surnommera ensuite l'archange vient de lancer une bombe sur la scène politique française de l'époque. C'est un lanceur d'alerte avant l'heure, mais aux motivations mystérieuses. Notre invité aujourd'hui, Erwan Seznec, journaliste économique, auteur et co-auteur de plusieurs livres d'enquête. Il a longuement étudié sur l'affaire Aranda, à qu'il consacre un chapitre dans le livre « Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours », dirigé par Benoît Colomba et David Servenet, dont la dernière édition date de 2014 aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'affaire Aranda ou l'opération Archange, comme l'ont ensuite appelé les journalistes, intervient dans un contexte politique assez particulier. Car la fin des années 60 et le début des années 70 portent déjà le sceau du scandale, tant les affaires apparaissent et se succèdent à un rythme effréné. L'atmosphère politique se dégrade, les soupçons de corruption et d'affairisme exhalent affaire après affaire comme un parfum rance. Il y a d'abord le dossier des abattoirs de la Villette, ou scandale de la Villette, en 1971. Alors que le chantier de reconstruction de ces bâtiments vétustes au nord-est de Paris est un gouffre financier, on découvre l'ampleur des dégâts grâce à un rapport du Sénat rédigé par le tenace Pierre Marcilassi. Ainsi, on apprend que Michel de Grailly, un député UDR de Paris qui dirige la société en charge du projet de rénovation des abattoirs, se sert de sa position pour remplir la fameuse caisse noire de l'UDR. Blanchi en 1973, il finira quand même par être lâché par son parti, qui s'en servira de bouc émissaire. À peine quelques mois plus tard, c'est l'affaire de la garantie foncière, dévoilée par le journal Le Monde. Une société qui surestimait les biens qu'elle acquérait pour détourner une partie de la différence des revenus et loyers collectés. Or, les dirigeants de la garantie foncière s'étaient associés avec un certain André Rive-Henry, député UDR de Paris, très proche du premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Il plaide la bonne foi, l'absence de connaissance. Mais l'opposition ne relâche pas sa pression. La Fédération de Paris du Parti Socialiste va organiser à la fin du mois de septembre avec le Parti Communiste une manifestation pour protester contre l'affaire de la garantie foncière. Georges Sarr, secrétaire de la Fédération de Paris et membre du comité directeur du Parti Socialiste, a expliqué à Suzanne Gauthier ce matin les raisons de cette manifestation. Si la Fédération de Paris du Parti Socialiste, avec les autres organisations démocratiques, ne harcelait pas les pouvoirs publics, le scandale de la garantie foncière sombrerait tout doucement dans l'oubli. En effet, l'instruction traîne et le citoyen Rive-Henry reste député. Que ce parlementaire puisse siéger lors de la prochaine session d'automne relève de la provocation. Il s'agit là d'un problème grave. Les socialistes ne le permettront pas. Le scandale aboutit en 1973 à la condamnation du député à 4 mois de prison avec sursis. Et puis on parlait du Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, qui se verrait bien succéder à Georges Pompidou à l'Élysée. Il en a la notoriété et le charisme d'ailleurs. Il s'efforce de présenter une image irréprochable, éthique, soucieuse des plus modestes. Il ne faut pas insulter l'avenir. Mais c'était sans compter sur le Canard Enchaîné qui va se déchaîner une nouvelle fois en cette année 72 et qui publie au tout début de l'année en question des documents qui prouvent que le Premier ministre n'a pas payé d'impôts entre 1966 et 1970. Rien d'illégal dans le montage fiscal, mais pour l'image, l'effet déplorable dans l'opinion qui, elle, paye ses impôts. Et Jacques Chaban-Delmas se retrouve obligé de s'expliquer. Parmi les attaques qui ont été portées contre moi depuis 2 mois environ, l'attaque principale a porté sur ma situation fiscale. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts, parce que l'indemnité du président de l'Assemblée nationale, que j'étais alors, n'avait pas été taxée. Les présidents d'Assemblée, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou avant la guerre de la Chambre des députés, disposent, pour faire face à leurs charges de fonction, d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous. Oui, enfin, ça commence à faire beaucoup, ces affaires qui se succèdent. Sans même parler du scandale des publicités clandestines de l'ORTF ou des dossiers sur le proxénétisme lyonnais. Le Canard enchaîné résumera l'ambiance de ce début des années 70 ainsi. Grande truanderie ou petit trafic, au détour de chaque nouveau scandale, on retrouve tout à coup, invariablement, la main basse, les dents longues, la mine louche de personnages du régime liés au pouvoir. Ils sont partout. Jamais les fricoteurs n'ont eu la partie aussi belle, la voix aussi libre. Il faut remonter aux spéculations effrénées du Second Empire ou aux dernières années de la monarchie de Juillet pour trouver l'équivalent, c'est dire. C'est dans ce contexte qu'entre en scène un tout jeune conseiller politique qui va venir mettre le feu aux poudres, un certain Gabriel Aranda. Gabriel Aranda n'était pas, a priori, destiné à faire de la politique. Non, c'est un autodidacte, né à Paris en 1938 d'une famille modeste. Il commence à travailler tôt, 14 ans, en tant qu'apprenti pâtissier. Mais le jeune Gabriel est curieux et intelligent, ambitieux aussi, enfin peut-être. Après avoir pris des cours du soir en sciences, dans lesquels il se révèle particulièrement brillant, il intègre à 19 ans la Société Nationale d'Études et de Construction de Moteurs d'Avions en tant que technicien calculateur de trajectoire pour les fusées. Et sa propre trajectoire, elle aussi, est bien dessinée. À 25 ans, il devient journaliste dans la revue économique et financière Entreprise. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance d'Albin Chalandon, qui préside la Banque Commerciale de Paris et qui l'embauche comme conseiller financier. Sans le savoir, il vient de faire basculer le destin du jeune homme. Gabriel Aranda ne ménage pas sa peine et ne compte pas ses heures. Discret, solitaire, il vit avec sa mère et consacre tout son temps à son travail. Et puis il est doué, très doué. Albin Chalandon remarque vite l'agilité intellectuelle du petit nouveau. En moins d'un an, il a tout juste 30 ans, il se voit confier la gestion de la fortune personnelle du président ainsi que le portefeuille de son épouse. En entrant ainsi dans l'intimité de son patron, il apprend à connaître, à manipuler des informations sensibles, confidentielles. Il sait se rendre invisible et indispensable, comprend ce qui doit être dit et ce qui doit être tu, surtout. En réalité, et peut-être ne le sait-il pas encore, Gabriel Aranda fait ses premiers pas en politique. En 1968, Albin Chalandon entre au gouvernement. Il devient ministre de l'Industrie. Le jeune trader Aranda quitte à la fois la banque et tout ce qu'il faisait avant. Il intègre alors la deuxième chaîne de l'ORTF en tant que chef du service économie. Et il commence, il n'y a pas de hasard, par y réaliser des reportages sur la fraude fiscale. Qui fraude le fisc en France ? Hier, nous avons examiné les problèmes de la fraude fiscale au niveau du commerce. Aujourd'hui, notre enquête va porter sur les possibilités de fraude au niveau de l'impôt sur les personnes physiques, depuis les petits salariés jusqu'au PDG, en passant par les membres des professions libérales. Premier échelon de cette enquête, les salariés. Monsieur Vasseur, vous êtes inspecteur central des contributions. Alors, pour commencer, prenons les petits salariés et les gens qui, d'une façon générale, ont de petits revenus. Est-ce que techniquement, ces gens-là ont les moyens de frauder ? Les personnes qui disposent de peu de petits revenus n'ont guère de possibilité de fraude puisque, automatiquement, le salaire qui est versé par l'employeur fait l'objet d'une déclaration par cet employeur qui est adressée à l'administration des contributions directes. Par conséquent, on peut dire que normalement, les salariés ne peuvent pas frauder. Gabriel Aranda ne reste pas longtemps à l'ORTF. En mars 71, suite à un remaniement ministériel, Albin Chalandon récupère le portefeuille de l'équipement et du logement et place à ses côtés une seconde fois son ancien collaborateur. Et là, les choses sérieuses commencent et Aranda devient conseiller technique en charge des relations publiques. En réalité, il est bien plus que ça. C'est lui qui gère les dossiers délicats, à qui l'on confie les sujets sensibles, qui arrange à l'abri des regards des rencontres discrètes nécessaires à l'avancement de la carrière du ministre. Il est celui également qui étouffe les petits désordres. Bref, c'est l'homme de l'ombre et de confiance d'Albin Chalandon. Et ce dernier en a bien besoin, parce que le portefeuille dont il a hérité est sans doute l'un des plus importants du gouvernement. Le Premier ministre Georges Pompidou veut accentuer l'effort de modernisation de la France dans le sillage du général de Gaulle. Et pour cela, il compte surtout sur l'industrie, les transports et l'aménagement du territoire. Sur Chalandon, donc. Et il faut construire, toujours construire, trouver les terrains pour des usines, des autoroutes, des logements, du jamais vu depuis Haussmann. Tout cela sent si bon les Trente Glorieuses, l'opulence et la croissance. Mais le boom de l'immobilier induit une urbanisation violente, très rapide, trop rapide. En quelques années à peine, des chantiers de grande ampleur émergent, de nouvelles autoroutes sont créées. L'argent semble couler à flot et les intermédiaires se multiplient. Entrepreneurs, promoteurs ou autres rapporteurs d'affaires, tous veulent leur part du gâteau et n'hésitent pas à employer des moyens plus ou moins légaux pour approcher les élus en charge des projets, monnayer des accords, des passe-droits. Et c'est vers Albin Chalandon que les élus se tournent. Lui qui dénonce les tentations interventionnistes du gouvernement veut au contraire libérer l'urbanisme. Alors il imagine une économie de compétition. Il met en place des appels d'offres, des concours pour des marchés publics, comme pour le métro de Lyon, par exemple. Alors pourquoi cette procédure nouvelle? Eh bien, on a fait dans ce domaine ce que j'ai essayé de faire dans le mien depuis bientôt 3 ans, c'est de faire appel au maximum à l'initiative de chacun et au lieu de se borner à faire concevoir par l'administration un projet et puis demander ensuite à des entreprises de le réaliser, on veut demander à tout le monde d'apporter sa contribution et de fournir sa solution. Et grâce à cette consultation générale, à cette concurrence, si je puis dire, on peut espérer trouver une solution plus économique. Comme nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays, pour tout le monde, eh bien, il faut essayer de dépenser le moins possible sur chaque projet pour pouvoir en faire le plus possible et dans le plus grand nombre d'endroits possible. Voilà ce qui a animé le gouvernement dans cette affaire. Voilà surtout qui va amener un pernicieux mélange des genres entre politique et immobilier. Chalandon et son cabinet reçoivent en effet des centaines de lettres d'intervention pour demander des petites faveurs pour telle ou telle entreprise de bâtiments publics de la région. Des tolérances s'agissant de permis de construire, des préférences pour tel promoteur. Et il se trouve, circonstance aggravante, que près de la moitié des députés UDR de Paris sont dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre. On parlera même de gaullisme immobilier tant la tendance explose. Toutefois, comme le rappelle Jean-Guy Courson, journaliste au Figaro à l'époque, ils commettent tous une grave erreur d'appréciation. Albin Chalandon a pris ses fonctions au sérieux. Autrement dit, le nouveau ministre est un homme intègre. Et Gabriel Aranda, qui voue une admiration et un respect immense à son patron, veut qu'on le sache. Car lui aussi les voit toutes passer, ses manigances, ses demandes d'intervention, ses tentatives de corruption à peine déguisées. Et il supporte mal cette atmosphère qui commence à dépasser le ministre. Du reste, Albin Chalandon confie régulièrement ses inquiétudes à son collaborateur quant au climat d'affairisme qui gagne la majorité. À l'occasion d'un déjeuner avec le journaliste Raymond Barillon du Monde, par exemple, le ministre lâche, dépité, les entreprises ne jouent pas le jeu. En réalité, ni le ministre ni son adjoint ne sont habitués à une telle ambiance de copinage. Ont-ils été trop naïfs ou simplement pas assez expérimentés ? Toujours est-il que leur style ne convient pas, ne convient plus. Le 5 juillet 1972, alors qu'un simple remaniement était anticipé, c'est tout le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas qui tombe, et pour cause. À l'issue du Conseil des ministres, le président de la République a reçu le Premier ministre, qui lui a présenté la démission du gouvernement. Le chef de l'État l'a accepté, et à remercier M. Jacques Chaban-Delmas de l'œuvre accomplie durant 3 ans. Pierre Messmer devient le nouveau Premier ministre de Georges Pompidou et Albin Chalandon quitte le ministère avec Aranda dans ses valises. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Aranda est jeune, talentueux et possède désormais un gros carnet d'adresses. De nombreuses possibilités s'ouvrent à lui, en politique, dans le journalisme, ses premières amours. Bref, il aurait pu s'éloigner d'Albin Chalandon et continuer son chemin, mais non. En effet, quelques jours après son éviction du gouvernement, Chalandon invite son ancien conseiller à le rejoindre pour un déjeuner dans sa maison de campagne des Gâtines Rouges. Chalandon est amer. Il ne comprend pas pourquoi il a été débarqué du gouvernement. Il reparle à Aranda de son projet de livre pour raconter sa vie, la guerre, son expérience politique surtout. Son jeune compagnon l'encourage. « Mais oui, vous pourriez dénoncer ce que nous y avons vu, les manigances, la corruption. » Ce pourrait être un livre fort, marquant, essentiel. C'est pour ce livre qu'Albin Chalandon a demandé à Aranda d'aller trier et récupérer des documents au ministère au lendemain du remaniement. Des archives personnelles, principalement. Il faut faire place nette pour le nouvel arrivant. Mais ce que l'ancien ministre ignore, c'est son jeune collaborateur, a pris les devants. Le jour du déménagement, en procédant au tri à l'archivage des documents, Gabriel Aranda est tombé sur certains papiers, courriers, comment dire, sensibles. Enfin, pour qui sait s'en servir. Alors, dans le doute, au cas où, il décide de photocopier certains dossiers, ceux qui lui semblent les plus intéressants. Les documents sont entreposés dans les couloirs de la Banque commerciale de Paris avant d'être transportés dans une chambre forte. Quatre jours après le déjeuner des Gâtines Rouges, Gabriel Aranda repense à ses documents. Et une idée ne le lâche pas. L'éviction de son mentor est une injustice. Il réalise aussi, ou peut-être, que le projet de livre de Chalandon pourrait coûter sa carrière à son auteur. Et c'est là que tout bascule, dans cette dévotion à son patron. Alors il prend une décision. Il n'a rien à perdre. C'est à lui de dévoiler les répugnants secrets de la République. Il s'en va donc extraire quelques 307 photocopies parmi les papiers stockés à la banque et part en direction de la forêt de Fontainebleau. Il s'arrête dans l'allée des sangliers et creuse 8 trous au pied de 8 arbres pour y enterrer ses trésors. Il dira « Je décide de creuser 8 trous dans le jardin de la France, la poésie m'enchantait et aussi l'humour de la situation ». 2 mois plus tard, un jeune homme mince, dégarni, en imperméable et lunettes de soleil, frappe à la porte du Canard Enchaîné. J'ai mal aux dents, mais je ne veux pas changer de peau parce que... Saint-Cyr, Fabrice Drouel. Vous êtes à l'écoute de France Inter, 1829 mètres ondes longues, il est 8h. La politique est-elle condamnée à marcher côte à côte avec le fait divers? On doit se le demander avec cette fameuse affaire Aranda. Eh bien, hier matin, je vous rappelle les faits, Le Canard enchaîné, puis hier après-midi, notre confrère Le Monde publiait une lettre de Gabriel Aranda. C'était un ultimatum adressé au gouvernement français. Que la France cesse de livrer des avions de combat à la Libye, sinon, et c'est ici que l'ultimatum prend le tour d'un chantage, je révèle un énorme scandale. J'étale des preuves de corruption, je dénonce des parlementaires et ministres qui, ayant intérêt à le faire, intervenaient auprès d'Albin Chalandon, ministre de l'Équipement, pour que soit passé tel marché autorisé, telle construction, etc. Depuis un an, vous le savez, les affaires, entre guillemets, se succèdent. Aucune peut-être n'a atteint une telle dimension. Officiellement, on minimise l'affaire, on lui cherche des explications psychologiques et on veut les trouver dans un déséquilibre dont souffrirait le héros de cette aventure. En ce matin du 13 septembre 1972, c'est une petite bombe qu'a déposée Aranda dans les locaux du Canard. Pas pour faire sauter le Canard, évidemment, mais la République. Le titre des articles que le quotidien satirique vient de publier en dit long. Comme une odeur de pourri. Une manchette qui dénonce les compromissions de différents élus UDR, la falsification de documents officiels et la mise sous silence de certains rapports. Quand deux jours plus tôt, Claude Angéli, l'un des deux journalistes du Canard avec Hervé Terrasse, reçoit Aranda dans son bureau, il n'est pas certain de bien saisir ce qui est en train de se passer, car il a devant lui un inconnu qui lui offre sur un plateau un scandale. Enfin, sur un plateau, pas tout à fait, plutôt sous un arbre, au fin fond d'une forêt. Voilà un scénario digne d'un film d'espionnage. Mais les journalistes sont curieux, c'est une seconde nature, et c'est bien comme ça. Alors eux aussi, prennent la direction de Fontainebleau et s'arrêtent au niveau de l'allée des sangliers, comme le leur a indiqué l'informateur. Aranda leur a indiqué sur une carte les différents arbres au pied desquels ils doivent creuser. Creuser un trésor et cacher dedans. Alors les journalistes s'enfoncent dans la forêt. Mais contrairement au fils du laboureur de la fontaine, il ne s'éreintent pas pour la seule gloire du travail. Oh que non, et Angélie se souvient, c'était un truc de fou. Mais quand j'ai vu de quoi il s'agissait, je suis tombé de l'armoire. Bien, mais pourquoi Aranda veut-il faire tomber des têtes dans son propre parti? Claude Angélie ne trouve pas de réponse évidente. Non, il croit simplement à la démarche civique de son étrange interlocuteur, un gars sympa, quoique un peu farfelu, se souvient-il. Aujourd'hui, il le qualifierait peut-être de lanceur d'alerte. Farfelu peut-être, mais quelle prise! Parce que Aranda n'a pas menti, non, les preuves qu'il détient sont irréfutables. Il y a d'abord une copie du rapport d'enquête Luguerne sur les catastrophes de Val-d'Isère et Le Tigne du 10 février 1970 qui avait fait 39 morts. Ce rapport n'avait jamais été publié. Et il révèle pourtant que des permis de construire ont été accordés sur des couloirs d'avalanche connus et répertoriés par l'administration. Le vent cette nuit-là avait soufflé à 140 km/h sur l'Isère. Les congères s'étaient détachées de la montagne, entraînant une masse énorme de neige et de rochers. Autour du chalet de l'Union des centres de plein air, les sauveteurs sont de la neige, sous l'avalanche 39 morts, 36 stagiaires de l'UCPA, deux membres du personnel et un pisteur, 34 blessés. Catastrophe imprévisible, déclarait le préfet de la Savoie. 10 à 20 millions de francs mis à la disposition du service de sécurité pour combattre les avalanches, faisait observer le directeur départemental de l'équipement. Jamais cette somme n'avait été employée à l'endroit où s'est produite la catastrophe. On trouve aussi des courriers émanant du secrétaire général de l'UDR, René Tomasini, à l'intention d'Albin Chalandon. Et parmi ces courriers, on tombe sur une note confidentielle concernant l'affaire de l'UDR et des 500 millions de Chanteloup-les-Vignes et concernant le château de Chirac, le château de Bitti en Corrèze. Ainsi, au fil des publications, les dossiers s'accumulent. Sur les interventions répétées du député Habib de l'Oncle, sur les explications des déficits de l'office HLM de Paris, ou encore sur l'affaire Siebel, qui révèle que l'homme du même nom, député UDR de la Drôme, a établi un faux, une fausse lettre signée de Chalandon, accordant un permis de construire pour une bretelle d'accès autoroutière en faveur du groupe Leclerc, si l'entreprise versait au député Siebel quelques dizaines de milliers de francs. Fausses accusations donc, concernant Chalandon, qui n'a jamais signé ce genre de lettre. Mais Édouard Leclerc confirme les autres, celles qu'apporte Aranda, et dévoile aux journalistes comment les élus monnaient des permis de construire. Dans la mesure où on a instauré en France des règles de plus en plus strictes pour obtenir des permis de construire, nous assistons à différents échelons à un espèce de chantage ou à un marché noir des supermarchés. Les municipalités vous disent, on vous mettra un avis favorable, mais vous nous signez une reconnaissance de dette de 60 millions parce que nous en avons besoin pour ceci ou pour cela. L'équipement fait la même chose parce qu'elle a besoin d'agrandir des routes, etc. Et ils en profitent. Voilà, comme ça c'est clair. Des dizaines d'élus et de personnalités sont épinglés. Le vice-président du groupe UDR à l'Assemblée, Claude Labbé. Le trésorier adjoint du parti, Guy Fricq, oui. Le député de la Drôme, Simone Donc. Le député de Paris, Henri Modiano, etc., etc. Mais chose étrange, pour justifier sa démarche, Gabriel Aranda évoque dans Le Canard Enchaîné le rôle de la France dans la vente d'avions de chasse Mirage à la Libye utilisés contre Israël. Aranda écrit que ces fuites de documents continueront jusqu'à ce que les Mirages soient entassés sur la place de la Concorde. Voilà qui est dit. Les motivations de l'archange se résumeraient-elles à une divergence liée au conflit israélo-palestinien ? Personne ne croit à cette théorie. Aranda lui-même réfutera. Non, il expliquera avoir simplement voulu sensibiliser l'opinion à ce problème et que l'essentiel était la dénonciation des scandales. Dans sa déclaration au Canard Enchaîné, il menace. Puisque certains responsables ne connaissent que le langage de l'argent, pourquoi ne pas parler aussi et publiquement du leurre ? Pourquoi ne pas parler de la corruption ? Et il ajoute, s'il le faut, énorme sera le scandale. Le jeune homme sait manier le suspense. Quoi qu'il en soit, si les motivations du Saint-Just de la photocopie, comme certains le surnomment, non sans talent, restent floues, mais le séisme politique, lui, est violent. Et les réactions ne se font pas attendre. Un scandale retentissant. De nouvelles accusations de corruption contre l'UDR. Énorme fuite au sein du parti gaulliste. Les titres et les superlatifs se bousculent après l'apparition dans Le Canard Enchaîné des informations d'Aranda. Le Nouvel Observateur titre même « Comment meurt un régime ?» C'est dire la puissance de la déflagration. La contre-attaque n'en sera pas moins virulente. Elle est menée par le chef de l'État en personne, Georges Pompidou, qui consacre au cours de sa conférence de presse présidentielle près de 20 minutes à conspuer contre l'ancien conseiller. J'en viens à cette affaire. J'ai fait beaucoup de cabinets. J'ai calculé que j'ai été 11 ans au cabinet du général de Gaulle, entre septembre 1944 et janvier 1959. J'ai vu passer beaucoup de papiers. Je n'ai emporté que ce qui m'appartenait, qui m'était destiné, et que je n'utiliserai d'ailleurs un jour que dans la mesure où ils auront un intérêt historique. Et je n'ai pas l'impression d'avoir été un saint ni un héros, mais simplement d'avoir observé les règles les plus élémentaires de la moralité et de la dignité individuelle. Et j'avoue que je m'étonne qu'à quelques exceptions près, il y en a eu grâce au ciel. Ce comportement n'ait pas été dénoncé avec plus d'énergie, et qu'on soit surtout attaché à la suite. Et que même, j'ai perçu chez deux ou trois ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout. Le président conspue Aranda, le nouveau premier ministre Pierre Messmer est obligé de réagir, lui aussi. Alors s'il reconnaît que l'UDR doit être moralement inattaquable et par conséquent chasser les brebis galeuses s'il y en a, il voit dans cette affaire une opération destinée à affaiblir le pouvoir en place et il compte bien défendre ceux qui sont injustement attaqués. Je reprends ces mots. Conséquence directe, il n'y aura pas de remise en cause profonde dans le parti gaulliste. L'opposition, elle, s'en donne alors à cœur joie. Voilà des preuves supplémentaires, s'il en fallait, que l'UDR est un parti d'arrivistes corrompus. Jacques Duclos, par exemple, du Parti communiste français, se demande si Pompidou, en parcourant les salons feutrés de l'Élysée, n'a pas l'impression de marcher sur de la paille souillée, tant cette affaire donnait l'impression de pourriture exceptionnelle. Pierre Bérégovoy, pour le PS, exclame « Une société où l'argent étale sa toute-puissance n'est pas une société libre. Une société qui étale ses vices, une société où la corruption gangrène la police et l'État est une société condamnée. » Et bien sûr, en tant que premier secrétaire du jeune parti socialiste, François Mitterrand ne pouvait pas être en reste. Voici un fonctionnaire dont on a dit, d'ailleurs je crois qu'on l'a connu à la radio-télévision puisqu'il y a travaillé, qui a collaboré à un niveau important auprès des principales personnalités du régime. Il dit qu'il y a malhonnêteté, vol, trafic d'argent. Et la première chose à laquelle pense la justice, c'est de le poursuivre. Ai-je prétendu qu'il n'y avait de scandale sous la Ve République? Non, mais évidemment, vous avez dit que c'était spécifique. Une sottise. Je crois que je pourrais prétendre, sans risque de me tromper, que la Ve République bat les records. Vraiment, un scandale tous les 15 jours, c'est beaucoup. Il ajoutera, je souhaite que l'on retrouve M. Aranda et surtout qu'on le retrouve vivant. Parce qu'effectivement, depuis la parution des articles dans le Canard, Gabriel Aranda est introuvable. Il est recherché depuis le 15 septembre pour vol, complicité et recel par toutes les polices. Et c'est la question du personnage et de ses motivations réelles qui se pose alors dans les médias. Qui est-il? Que cherche-t-il? Une grosse affaire dans toute la presse aujourd'hui encore, l'affaire Gabriel Aranda. Ce matin, la police des frontières a reçu des instructions. L'avis de recherche stipule qu'en cas de découverte, Gabriel Aranda doit être interpellé et conduit dans un local de police. Autre élément nouveau dans l'affaire, l'information contre X, ouverte par le parquet du tribunal de Paris, concernerait aussi toutes les personnes qui auraient accepté de cacher les documents soustraits par M. Aranda. Maître Fleuriot lui-même a annoncé qu'il prenait le dossier en main. Pendant ce temps-là, on essaie de compléter le portrait du personnage central de l'affaire. Voici son quartier dans le 15e arrondissement. Certains des voisins de Gabriel Aranda le connaissaient bien. Ils s'étonnent de sa disparition. Il n'est plus revu depuis mardi. Depuis mardi. Oui. Les personnes m'ont dit qu'apparemment, il n'était pas très sain d'esprit. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un homme qui n'était pas sain d'esprit? Monsieur Aranda a les pieds sur terre et il n'est pas du tout un déséquilibré, ni un farceur. Après avoir quitté les locaux du Canard enchaîné, Aranda décide de se cacher. Il emménage sous le nom de Monsieur Leven dans la chambre 317 du Georges V. Il débranche le téléphone et il attend. Il attend la publication et la tempête qui suivra. Il a peur, s'il se rappelle les mots de Claude Angéli quand il est allé le trouver à la rédaction du Canard enchaîné. « Mais vous allez vous faire tuer ?» Paranoïa Caranda? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, pendant 6 jours, personne ne sait où trouver Gabriel Aranda. Et il réapparaît pour la première fois publiquement le 18 septembre. Là, il est entendu par le juge Galmiche et inculpé de vol et recel. Il est laissé en liberté à condition qu'il rapporte à la justice tous les documents qu'il a en sa possession, ce qu'il fera 2 jours plus tard. En sortant de cette entrevue, il dit à la foule des journalistes présents: pour moi, l'affaire Aranda est terminée. C'est à la justice de faire son œuvre. Mais le jeune homme se trompe et la justice ne fait rien. À part une plainte pour faux contre l'ancien député Siebold, aucune enquête officielle, aucune personne n'est mise en cause ou entendue par un juge d'instruction. L'UDR préfère laver son linge sale en privé. Gabriel Aranda, lui, ne comprend pas pourquoi. Il est le seul protagoniste de l'histoire à être inquiété. C'est le monde à l'envers. Je ne veux pas porter de jugement, mais il est sûr que depuis 8 jours, d'une façon générale, tout le monde, au lieu de s'attaquer aux problèmes, au lieu de regarder les dossiers, au lieu de voir des dossiers que personne conteste l'authenticité, eh bien, on préfère m'attaquer moi facilement, alors qu'en réalité, dans mon affaire, Gabriel Aranda n'existe pas. Je suis rien. J'ai aucune ambition politique. Je ne ferai jamais de politique. Jamais, jamais, jamais. Dans 8 jours ou 15 jours, j'espère, je pars à la campagne pour pêcher à la ligne. Et on n'en aura plus jamais parlé de moi. Je dois vous dire franchement qu'il y avait tout à perdre et rien à gagner. Parce que moi, dans cette affaire, je n'ai pas gagné un seul centime et j'ai tout perdu. Alors je veux dire, devant une telle perspective, je comprends que beaucoup de gens aient hésité. Et finalement, si moi je m'y suis résolu, c'est après des mois de réflexion, et vraiment lorsque je me suis dit, il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que sinon je suis un lâche. Alors je l'ai fait, mais je l'ai fait en sachant bien que j'allais tout perdre. C'est d'ailleurs ce qui arrive, j'ai tout perdu. Gabriel Aranda est en effet condamné le 12 décembre 1976 à 300 francs d'amende pour complicité de diffamation envers le ministère de l'Équipement et du Logement. Les juges l'ont estimé, dans une logorée bien peu convaincante, qu'en débit, en dépit de la légitimité du but qu'Aranda cherchait à atteindre, celui-ci n'avait pas démontré l'existence de faits justificatifs. Esselé, dépité, accablé, il quitte alors la France pour la Suisse avec l'accord du gouvernement français. Et plus personne n'entend parler de Gabriel Aranda, jusqu'en 2013, où l'ancien conseiller politique est condamné pour viol et agression sexuelle sur sa fille. En France, il restera toujours associé à l'affaire qui porte son nom, cette étrange opération Archange, un scandale qui avait de quoi faire tomber la Ve République et qui n'a fait tomber qu'un homme. J'ai volé pendant des années, au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers. Pour le bien de la nation, j'étais l'élu, le magnifique, jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République. J'étais le garant de vos lois, et voici qu'on frappe à ma porte comme l'animal que l'on débusque. Pourquoi me traiter de la sorte? De quoi m'accusait-on au juste? Quelques détournements. Sensible sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Aranda, notre invité Erwan Seznek. Bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur d'un chapitre consacré à cette affaire Aranda dans l'ouvrage « Histoire secrète du patronat » réédité aux éditions La Découverte en 2014. Alors, la question qui brûle les lèvres et que je vous pose d'emblée est la suivante. Mais quelle mouche l'a donc piqué? Quelles étaient ses motivations réelles? Ah bah ça, mystère, j'aurais bien aimé lui demander, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Il était un peu assoiffé de gloire quand même. Son livre donne l'impression d'un homme éperdument à la recherche de reconnaissance. Il était peut-être un petit peu aussi complotiste. Il avait publié avant cette affaire-là, en 62, un livre chez Fayard, comme quoi il avait percé à jour les mystères de l'Union soviétique. Ah oui. Et après, tout simplement, je pense qu'il était sincèrement épris de justice et qu'il avait été écœuré par ce qu'il avait vu. C'était d'ailleurs écœurant, hein, il n'y avait pas de mystère. A-t-on pensé à un moment qu'il aurait pu travailler pour la gauche, une sorte d'agent double? Ou pas du tout? Non, écoutez, pas un seul moment. L'hypothèse qu'il était un agent israélien a été souvent évoquée, il en parlait dans son témoignage, puisqu'il a eu cette prise de position bizarre de dénoncer la vente de Mirage à la Libye. Mirage qui vole toujours d'ailleurs aujourd'hui, paraît-il. Mais non, il n'était pas juif, il l'a précisé également. Donc non. Et pas non plus un agent de la gauche, ça manifestement. Si c'était le cas d'ailleurs, la gauche aurait été bien inspirée de réfléchir un peu plus parce qu'elle a finalement connu les mêmes mésaventures que la droite 10 ans plus tard. Oui, effectivement. Quand elle s'est frottée au pouvoir, elle a montré que voilà, le pouvoir pouvait générer tout ça. Alors, vous dites, concernant Aranda, un peu en recherche de connaissance, de reconnaissance, on va dire comme ça, pour pas dire mégalo, recherche de reconnaissance, et vraiment choqué par ce qu'il a vu qui était effectivement choquant. Les affaires dont on parle sont des vraies affaires, on est bien d'accord. Ce qu'il y a, je trouve, de formidable avec l'affaire Aranda, c'est que c'est de la corruption qui se voit. C'est-à-dire que c'est pas un truc gris, des lignes cachées dans un livre de compte. C'est des constructions qui n'auraient pas dû être là. Des chalets dans un couloir d'avalanche et 110 morts en un hiver, quoi. Hiver 70, pour pas le nommer. Pareil à Champoux-les-Vignes, des barres d'immeubles qui existent toujours, construites avec des passe-droits. Pareil à sur la Côte d'Azur, les grandes marinas que tout le monde connaît, construites avec des pots de vin. Qui défigure le paysage. Et à cet égard, sa réaction était sans doute celle d'un homme aussi peut-être assez candide. Il était choqué par des choses qu'il voyait parce qu'elles étaient très voyantes. Mmh. Albin Chalandon est présenté dans cette histoire comme un homme intègre, apparemment il n'y a pas lieu d'en douter. Quelle était son attitude, lui, par rapport à tout cela? J'avais enquêté par périphérie sur Albin Chalandon. À tout égard, c'était un homme d'une autre époque. On peut dire, par exemple, qu'il a été inspecteur des finances sur Piston, parce qu'il sortait de la résistance et on l'a bombardé inspecteur des finances. C'est une espèce de figure comme ça pour laquelle Aranda a beaucoup d'admiration, parce qu'Aranda n'était pas un homme d'action, contrairement à Chalandon, qui a vraiment fait le maquis et qui a vraiment fait la guerre contre les SS. Et Albin Chalandon, à mon avis, avait un côté grand bourgeois qui n'était pas plus choqué que ça par les enveloppes ou les demandes des promoteurs, mais qui, malgré tout, gardait une espèce d'éthique. Mais une éthique compatible jusqu'à un certain point avec on va débrouiller, on va le faire hors circuit comme si on était encore dans la résistance. Oui, c'est ça, vous avez raison de dire, parce que l'affairisme néo-gaulliste ou gaulliste, ou les malfaçons, pas forcément pour des histoires d'argent, on dit qu'effectivement ça puise dans ce qui se passait pendant la résistance, pour la bonne cause, mais comme malheureusement certains ont gardé cette façon d'être peut-être complotiste, en temps de paix, et évidemment c'est plus du tout par la bonne cause ça. Ça transparaît dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on lit. Les hommes politiques de l'époque ne pouvaient pas saquer les gras de papier. Pour eux, les fonctionnaires, c'était des gras de papier. C'était des gars avec qui il fallait discuter, mais on perdait un temps fou alors qu'on aurait pu aller plus vite, quoi. Donc s'il y a un moment, il faut leur passer par-dessus pour s'entendre avec un promoteur parce que ça va bien, toutes leurs formalités, bon ben on y va, quoi. Mais d'un autre côté, c'était peut-être aussi, on ne peut pas parler d'âge d'or de la corruption, mais c'était centralisé, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi voir dans l'affaire Aranda, c'est que tout remontait jusqu'au... Il fallait demander au ministre, en fait. À l'époque de Patrick Balkany, demander au ministre pour encaisser les pots de vin de quelqu'un qui allait construire un supermarché dans sa commune pour parler d'un témoignage que j'ai recueilli en direct. C'était décentralisé, c'était une période qui est devenue beaucoup plus compliquée avec une corruption plus diffuse. Est-ce qu'elle s'est arrêtée finalement, ou est-ce qu'il y a eu moins de corruption au sein des troupes, on va dire, néo-gaullistes maintenant, au fil des années? Est-ce que cette... Alors, il y en a eu, hein, beaucoup d'ailleurs, beaucoup, mais est-ce que ce qu'on a connu récemment chez les néo-gaullistes montre quand même un progrès par rapport aux années 70 ou pas, ou ça continue? Bah, je dirais que c'est feu Francis Bouygues qui en parle le mieux, hein. Il est cité dans le livre d'Aranda. Il n'est pas nommé, mais c'est transparent, tout le monde sait qui est lui. Et ensuite, il a dit à des témoins qu'il avait acheté TF1 et créé LCI pour avoir un outil d'influence, parce qu'il n'en pouvait plus des demandes des élus de tous bords, suite à la décentralisation, qui voulaient tous avoir une enveloppe. Voilà, c'est entre corruption et prévarication. Ouais. Donc, on peut dire que le gaullisme immobilier est mort et enterré avec la fin des grands chantiers, d'une certaine manière. Et c'est sans doute plus compliqué aujourd'hui de réclamer des enveloppes quand on est un élu, mais ça continue. Bon, oui, sûrement. Et ouais, c'est ça. On se retrouve dans, allez, deux minutes, un peu plus de deux minutes après avoir écouté Tame Impala, It's True. Vous avez employé un mot tout à l'heure qui me fait réagir, qui est intéressant, la décentralisation. Est-ce que cette décentralisation a renforcé la corruption? Je précise quand même que cette décentralisation est ultérieure, pardon, au fait que nous racontons, puisque cette loi, c'est la loi Defferre de 1982. Mais est-ce qu'elle est un terreau pour ce genre de choses qui peuvent se pratiquer, et notamment dans l'immobilier? Oui, ça l'a été. Bon, en bon breton, je suis favorable à la décentralisation, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que les premières lois de décentralisation, qui n'interviennent pas si longtemps que ça après l'affaire Aranda, hein, c'est 10 ans plus tard, ça a provoqué une explosion dont certaines villes payent encore aujourd'hui les conséquences. Je pense à Angoulême, avec Jean-Michel Boucheron. Attention, oui, Boucheron. Pas confondre avec un autre Boucheron, mais qui a fini en prison. Jacques Médecin à Nice, Alain Carignon à Grenoble, Maurice Arex à Toulon, Michel Bouillon à Cannes, l'inénarrable Patrick Balkany à Levallois-Perret. C'est des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain libérés de la tutelle oppressante du préfet et qui ont pu passer des deals en direct avec les promoteurs. Et Allen. Plusieurs patrons de supermarchés m'ont dit. Je parlais de Valois Perret tout à l'heure, pareil au Cap d'Agde à une époque. Ils ont dû passer à la caisse pour pouvoir construire leur hypermarché. Là-dessus, il y a eu une décennie terrible, on va dire, 82-92. Mm-hmm. Pas tous les élus, évidemment, mais beaucoup d'entre eux, et en fait, ça s'est su très très vite. Tout le monde savait que tel et tel était en train de déconner complètement et allait mettre sa ville en surendettement pour des années et des années. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, si je vous ai bien lu, j'ai compris que vous disiez qu'il n'était pas tout à fait interdit de penser qu'il existait dans les années 70 une forme, disons paradoxale, de déontologie de la corruption. Ouais. C'est-à-dire? C'est Henri Emmanuelli, feu Henri Emmanuelli, qui m'en a parlé. Lui-même a été inquiété pour les affaires de financement du PS, donc il était trésorier. Mais comme il me disait lui-même, quand les enquêteurs sont arrivés, il est tombé des nues. Il leur a dit, bah oui, tout le monde savait qu'il y avait des enveloppes, mais je vous assure, j'ai jamais pris un centime pour moi. Bah, quand il a commencé, son compte personnel était le compte du PS. C'est lui qui avait décidé qu'il y allait avoir un compte pour le parti et un compte pour le trésorier, qu'on pouvait pas mélanger les deux. Mais en fait, on avait à l'époque des corrupteurs ou des collecteurs de fonds qui étaient des gens intègres. Ça leur serait pas venu à l'idée de voler de l'argent pour eux. Sans doute à la marge, ça se faisait certainement même. Mais il était évident pour tout le monde que le collecteur du PCF allait rendre l'argent au parti et pas partir en vacances aux Seychelles avec. Et même chose pour ces affaires dont nous parlons dans les années 70, c'est vraiment pour remplir, essentiellement pour remplir les caisses de l'UDR. On a tout lieu de le penser. Il y avait sûrement des gens qui se servaient au passage, mais on n'était pas dans l'affairisme individuel ou les détournements de fonds. À titre personnel. Et il en travaillait également sur les syndicats. Je pense qu'on peut dire la même chose des syndicats. Dans les années 80 ou jusqu'aux années 90, les malversations des syndicats étaient commises au profit des syndicats. L'argent allait dans la caisse de la CGT, pas dans la poche des CGTistes. Je ne dirais pas la même chose aujourd'hui, malheureusement. On dit l'affaire Aranda, on devrait dire l'affaire des garanties financières, Chanteloup-les-Vignes, Val-d'Isère. On devrait pas dire affaire Aranda. Il a tout raté quand même dans cette affaire-là. C'est un échec total, quoi. Oui, c'est un échec total. Il n'y a pas eu de suite. C'était un grand coup d'épée dans l'eau. Tout s'est refermé et tout a continué comme après. Ça, et le paradoxe, c'est paraît-il, Aranda a ensuite travaillé pour un promoteur en Suisse. Eh ben. J'ai pas pu vérifier l'information, mais. Est-ce que vous parlez de lanceur d'alerte, vous, concernant Aranda? Ah oui, sûrement. C'est ainsi qu'il se voyait, très clairement. Il n'emploie pas l'expression parce qu'elle n'existait pas à son époque. Mais oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est ainsi qu'il s'est perçu lui-même. Et les lanceurs d'alerte savent à quel point, parfois, leurs initiatives courageuses peuvent être pour eux-mêmes dangereuses. Les lanceurs d'alerte qu'on connaît sont dans des positions très compliquées aujourd'hui. Ah oui, c'est un métier à risque, effectivement. Bien, merci infiniment, Erwan Seznek. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous éclairage. Au revoir, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Aranda, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Paul Percheron qui était à la technique aujourd'hui.